Marcel Schwab, Vies imaginaires. Walter Kennedy, pirate illettré. Le capitaine Kennedy était irlandais et ne savait ni lire ni écrire. Il parvint au grade de lieutenant sous le grand Roberts pour le talent qu'il avait dans la torture. Il possédait parfaitement l'art de tordre une mèche autour du front d'un prisonnier jusqu'à lui faire sortir les yeux, ou de lui caresser la figure avec des feuilles de palmier enflammées. Sa réputation fut consacrée au jugement qui fut fait à bord le corsaire de Darby Mullin, soupçonné de trahison. Les juges s'assirent contre l'habitacle du timonier devant un grand bol de punch avec des pipes et du tabac. Puis le procès commença. On allait voter sur la sentence, quand un des juges proposa de fumer encore une pipe avant la délibération. Alors Kennedy se leva, tira sa pipe de sa bouche, cracha et parla en ces termes. « Sacre Dieu, messieurs et gentilshommes de fortune, le diable m'emporte si nous ne pendons pas Darby Mullin, mon vieux camarade. Darby est un bon garçon, sacre Dieu. J'en foutre qui dirait le contraire, et nous sommes gentilshommes, diable. On a souqué ensemble, sacre Dieu, et je l'aime de tout mon cœur, foutre. Messieurs et gentilshommes de fortune, je le connais bien, c'est un vrai bougre. S'il vit, il ne se repentira jamais. Le diable m'emporte s'il se repent, n'est-ce pas, mon vieux Darby? Pendons-le, sacre Dieu. Et avec la permission de l'honorable compagnie, je vais boire un bon coup à sa santé. » Ce discours parut admirable et digne des plus nobles oraisons militaires qui sont rapportées par les anciens. Roberts fut enchanté. De ce jour, Kennedy prit de l'ambition. Au large des Barbades, Roberts s'étant égaré dans une chaloupe à la poursuite d'un vaisseau portugais, Kennedy força ses compagnons à l'élire capitaine du corsaire et fit voile à son compte. Ils coulèrent et pillèrent nombre de brigantines et galères chargées de sucre et de tabac du Brésil, sans compter la poudre d'or et les sacs pleins de doublons et de pièces de 8. Leur drapeau était de soie noire, avec une tête de mort, un sablier, deux os croisés, et au-dessous un cœur surmonté d'un dard, d'où tombaient trois gouttes de sang. En cet équipage, ils rencontrèrent une chaloupe bien paisible de Virginie, dont le capitaine était un quaker pieux, nommé Knott. Cet homme de Dieu n'avait à son bord ni rhum, ni pistolet, ni sabre, ni coutelas. Il était vêtu d'un long habit noir et coiffé d'un chapeau à large bord de couleur pareille. « Sacre Dieu !» dit le capitaine Kennedy. « C'est un bon vivant et gai. Voilà ce que j'aime. On ne fera pas de mal à mon ami, monsieur le capitaine Knott, qui est habillé de façon si réjouissante. » M. Knott s'inclina en faisant des momeries silencieuses. « Amen !» fit M. Knott. « Ainsi soit-il. » Les pirates firent des cadeaux à M. Knott. Ils lui offrirent 30 mois d'or, 10 rouleaux de tabac du Brésil et des sachets d'émeraude. M. Knott prit très bien les mois d'or, les pierres précieuses et le tabac. Ce sont des présents qu'il est permis d'accepter pour en faire un usage pieux. Ah, plutôt ciel que nos amis qui sillonnent la mer fussent tous animés de semblables sentiments. Le Seigneur accepte toutes les restitutions. Ce sont, pour ainsi dire, les membres du veau et les parties de l'idole Dagon que vous lui offrez, mes amis, en sacrifice. Dagon règne encore dans ces pays profanes, et son or donne de mauvaises tentations. Bougre de Dagon, dit Kennedy, tais ta gueule, sacre Dieu. Prends ce qu'on te donne et bois un coup. Alors M. Knott s'inclina paisiblement, mais il refusa son quart de rhum. Messieurs, mes amis, dit-il. Gentils hommes de fortune, sacre Dieu, cria Kennedy. Messieurs, mes amis gentilshommes, reprit M. Knott, les liqueurs fortes sont, pour ainsi dire, des aiguillons de tentation que notre faible chair ne saurait point supporter. Vous autres, mes amis, gentilshommes de fortune, sacre Dieu, cria Kennedy. Vous autres, mes amis et fortunés gentilshommes, reprit M. Knott, qui êtes endurcis par de longues épreuves contre le tentateur, il est possible, probable, dirais-je, que vous n'en souffrez point d'inconvénients. Mais vos amis seraient incommodés, gravement incommodés. Incommodés au diable, dit Kennedy. Cet homme parle admirablement, mais je bois mieux. Il nous mènera en Caroline, voir ses excellents amis, qui possèdent sans doute d'autres membres du veau qu'il dit. N'est-ce pas, monsieur le capitaine Dagon ? Ainsi soit-il, dit le Quaker. Mais Knott est mon nom. Et il s'inclina encore. Les grands bords de son chapeau tremblaient sous le vent. Le corsaire jeta l'ancre dans une crique favorite de l'homme de Dieu. Il promit d'amener ses amis et revint en effet, le soir même, avec une compagnie de soldats envoyée par M. Spotswood, gouverneur de la Caroline. L'homme de Dieu jura à ses amis, les fortunés gentilshommes, que ce n'était qu'à l'effet de les empêcher d'introduire en ces pays profanes leur tentatrice liqueur. Et quand les pirates furent arrêtés, « Ah, mes amis, dit M. Knott, acceptez toutes les mortifications, ainsi que je l'ai fait. »« Sacre Dieu, mortification est le mot, jura Kennedy. Il fut mis au fer à bord d'un transport pour être jugé à Londres. Old Bailey le reçut. Il fit des croix sur tous ses interrogatoires et y posa la même marque que sur ses quittances de prise. Son dernier discours fut prononcé sur le quai de l'exécution, où la brise de mer ballottait les cadavres d'anciens gentilshommes de fortune, pendus dans leurs chaînes. « Sacre Dieu, c'est bien de l'honneur !» dit Kennedy en regardant les pendus. « Ils vont m'accrocher à côté du capitaine Kidd. Il n'a plus Dieu, mais cela doit bien être lui. Il n'y avait que lui pour porter un si riche habit de drap cramoisi. Kidd a toujours été un homme élégant. Et il écrivait, il connaissait ses lettres, foutre, une si belle main. Excuse, capitaine. » Il salua le corsec en habit cramoisi. « Mais on a été aussi gentilhomme de fortune !»